risquer mes cicatrices. Gros, la mélodie est douce, mais surchargée d'émotions. Comme ma mélancolie douce, mon cœur augmente ses pulsations. J'ai des frissons, ma voix tremble, crois-moi que ce n'est pas facile à dire. J'avais 7 ans, il me semble, lorsque j'ai vu cet homme mourir. Y'a des trucs qui te marquent à vie, comme quand Nono est parti. Hardcore et la maladie, cette pute a détruit ma famille. Le temps passe et plaît se pense, mais rien ne sera jamais pareil. Toutes ces cicatrices quand j'y pense m'ont fait prendre de la bouteille. Je me rappelle comme c'était hier, la honte dans les yeux de mon père. Quand je lui ai dit devant ma prof que c'est dans le son que je vais faire carrière. Du mal à cicatriser, confiance brisée, destin gris. Gamin déscolarisé, la chance m'a souvent méprisé. 14 juillet 2011, sortie de route du Clio 2. Des tonneaux, y'en a eu deux, j'suis toujours là, c'est grâce à Dieu. C'est sans doute mes douleurs dorsales qui me disent que la santé c'est sacré. Voici le cri de mes moments sales qui sur le camp sont étancrés. Les peines sont dans nos cœurs, les cicatrices sont sur nos chairs. Écoute le poids de nos erreurs, des fois les fautes ça coûte trop cher. Nos balles à fond fait des pleurs à des personnes qui nous sont chères. Et si le courage est dans nos peurs, nos sutures sont sur CDR. Les peines sont dans nos cœurs, les cicatrices sont sur nos chairs. Écoute le poids de nos erreurs, des fois les fautes ça coûte trop cher. Nos balles à fond fait des pleurs à des personnes qui nous sont chères. Et si le courage est dans nos peurs, nos sutures sont sur CDR. L'impression que je pourrais plus guérir, je suis marqué à vie. En face de l'asile, la life frère m'a balafré comme Ribéry. Même si l'échec n'est pas en option, au quotidien j'entends les bruits de fond, les flashs des frères remplis de sang. Alors j'ai mis le son, ça m'aide à masquer la douleur. Certaines de ces épreuves sont même plus noires que la couleur. Un gain et des fleurs, un dans chaque main. Sors les chromes et essaye de rester un gars bien. Regarde bien, le jour se lève toujours après la nuit. Regarde bien qui sont les jaloux et vrais amis. J'suis toujours en vie, c'est que j'suis plus fort. Branche le mic, mets l'instru, faut que tout ressorte. Cette détermination qui s'affiche, c'est l'ensemble de ma colère, de ma rage et mes cicatrices. Cette détermination qui s'affiche, c'est l'ensemble de ma colère, de ma rage et mes cicatrices. Les peines sont dans nos cœurs, les cicatrices sont sur nos chairs. Écoute le poids de nos erreurs, des fois les fautes ça coûte trop cher. Nos balles à fond fait des pleurs à des personnes qui nous sont chères. Et si le courage est dans nos peurs, nos sutures sont sur CDR. Les peines sont dans nos cœurs, les cicatrices sont sur nos chairs. Écoute le poids de nos erreurs, des fois les fautes ça coûte trop cher. Nos balles à fond fait des pleurs à des personnes qui nous sont chères. Et si le courage est dans nos peurs, nos sutures sont sur CDR. 15 piges au fond du car, je rêvais de percer sur Paris. Je me fais des scènes de bâtard dans le casque à fond du Hulk. Regard vitreux mais son champ d'aide, pas né sous la bonne étoile. Personne n'est là quand t'as besoin d'aide, ça fait les vartres pour 10 balles. C'est la daronne qui avait raison, rappeur ce n'est pas un métier. Je me suis tapé pour du son, honteux, je n'en tire aucune fierté. J'ai le cœur d'un ado balafré depuis que cette salope m'a quitté. Une de perdue, 10 de retrouvée, sa frère c'est jamais arrivé. Je ne ferai plus le tug devant le daron, crois-moi il a trop de punch en stock. Il m'a mis la raclée de ma vie, frérot j'ai pissé dans mon froc. Smicard, le manque d'oseille, fait que la précarité guette. Je veux un piston, pas tes conseils pour jobber chez les Helvètes. Il paraît que je n'ai pas le profil, c'est pour ça que très peu m'écoute. Mes rimes ne dégagent pas de profit alors que ceux qui en font des gouttes. Sombre époque pour le hip-hop, trop de négligence de l'écriture. Moi sur ma feuille y'a que des ratures car dans mes vers cache mes blessures. Les peines sont dans nos cœurs, les cicatrices sont sur nos chairs. Écoute le poids de nos erreurs, des fois les fautes ça coûte trop cher. Nos balles à fond fait des pleurs à des personnes qui nous sont chères. Et si le courage est dans nos peurs, nos sutures sont sur CDR. Les peines sont dans nos cœurs, les cicatrices sont sur nos chairs. Écoute le poids de nos erreurs, des fois les fautes ça coûte trop cher. Nos balles à fond fait des pleurs à des personnes qui nous sont chères. Et si le courage est dans nos peurs, nos sutures sont sur CDR. Le bras de nos erreurs.